Et si je n'avais pas été blonde aux yeux bleus, est-ce que j'aurais eu la même scolarité? Après 2 mois de pause, nous revenons avec un épisode consacré à Ariane, jeune femme blanche qui ne définit pas son orientation sexuelle et de milieu social plutôt favorisé. Ariane nous a contactés pour nous faire part de son parcours au sein de l'école. Élève au sein d'établissement du centre-ville du Havre, elle a fait un baccalauréat littéraire avec 2 options, art et musique. Puis, elle est entrée en IUT Infocom, a fait un Erasmus à Séville. Ensuite, elle a commencé un M1 Marketing International au Havre, où elle a fait son stage en Inde, et y est restée un peu plus longtemps. Enfin, elle est entrée dans une école privée à Paris pour obtenir un M1 non reconnu par l'État. Nous nous sommes retrouvés chez moi, à Paris, pour l'enregistrement. Comme d'habitude, pour commencer, je lui ai posé cette question. À quoi ça te fait penser, le mot école ? Un lieu où on apprend, qui peut être assez épanouissant, mais aussi un peu source d'anxiété et qui est assez codé. Et ça peut être un lieu, épanouissant, qui peut t'ouvrir un peu au monde, mais en même temps qui peut aussi t'enfermer dans les cadres et t'errer. Est-ce que tu te souviens de ton premier passage entre la maison et l'école ? Non, pas trop. Enfin, comme la crèche était très proche de la maternelle et que j'étais avec les mêmes personnes, ça m'a pas... Même en primaire, après, enfin, pour moi, c'était une continuité, donc ça allait. Non, je crois que j'ai plutôt bien vécu cet endroit. Et tous les autres passages de la maison à l'école ? Je sais qu'en primaire, j'étais contente de retourner à l'école parce que je revoyais les amis, j'aimais bien mes profs et apprendre. Après, le collège, c'était vraiment un endroit que je redoutais. J'ai carrément développé des TOC tellement j'étais anxieuse, ça me faisait peur. Donc non, j'avais vraiment peur d'y aller, je dormais pas. Enfin, c'était vraiment un endroit angoissant pour moi. Donc là, oui, j'étais contente d'être en vacances et je voulais pas y retourner. Qu'est-ce qui s'est passé au collège ? En fait, depuis la crèche, j'étais toujours un peu avec les mêmes personnes. Là, j'étais pas dans la même classe que mes copines, donc je me retrouvais toute seule et il y avait des gens plus âgés, c'était plus grand, il y avait plus de profs. Enfin, pour moi, il n'y avait plus trop de repères. Et c'est là que j'ai découvert un peu les codes sociaux, il fallait s'habiller en marque, il fallait être d'une certaine manière. Et moi, j'étais pas trop. Je pense que j'étais un peu bébé encore. Je sais pas trop. Et ouais, j'avais un peu de mal à m'intégrer. Et ça a duré tout le collège, ça ? Non, j'irai jusqu'à début quatrième, après ça a été. Après, ça va, j'avais pris mes marques. Puis on était dans les plus grands, donc. Ah. C'était plus simple. C'est pour ça. Est-ce que tu peux nous dire que tu as aimé l'école ? Oui. Enfin, sauf le collège. Mais sinon, oui, j'ai aimé. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'orientation, je trouvais que c'était pas forcément très bien. Que des fois, ça pouvait être compétitif et que ça pouvait être plus malsain, je trouve, qu'autre chose. Mais non, ça va. Tu parles de quel moment de ton orientation ? Surtout à la fin du lycée, quand il fallait se diriger vers autre chose, j'avais un peu de mal. Quand j'avais été voir un conseiller d'orientation, il m'avait fait remplir un questionnaire et je lui ai dit que je voulais faire une école d'art, quelque chose comme ça. Puis il m'avait dit non, il n'y a pas de débouché. Enfin, en gros, en plus, il était pressé, il était parti. Enfin, en fait, il m'avait un peu laissé... en plan comme ça, donc il m'avait pas trop donné de piste. Donc du coup j'ai fait l'IUT parce que c'était assez généraliste et pas ça me laissait encore un peu de temps pour réfléchir. Et après, quelques années après, j'étais retournée voir un conseiller d'orientation, mais là du coup c'était vers le port. Et la fille, elle a cherché sur Google, c'est tout. Enfin, je posais une question, elle posait la question à Google. Donc bon, si j'aurais pu faire la recherche moi-même, c'était pas très aidant non plus. Puis c'est vrai que même ceux que j'avais vus au lycée, ils étaient très comme c'était un lycée de centre-ville assez quand même bien réputé, pour les profs et les conseillers d'orientation, il y avait soit tu fais médecine, soit tu fais droit, mais t'as pas forcément d'autres voies possibles. Donc c'était c'est assez réducteur. Ouais. Et pourquoi tu parles de compétition ? C'est au niveau des notes. Des fois, ils rendaient les notes de la meilleure à la moins bonne. De classer les élèves. Ça, je sais pas très... Même très encourageant. Ça... Oui, ça instaure un climat de compétition un peu. Mais comment tu as choisi le DUT ? C'est quelqu'un qui t'en a parlé ? J'étais allée à un forum... du coup, pour lycéens, pour s'orienter, et puis je les avais rencontrés, je me disais, bon, ça peut être intéressant. Et voilà. Et tes parents t'ont aidé pendant cette phase d'orientation ou... Pas trop. Non. Et ils auraient pu être d'accord pour que tu fasses une école d'art, comme c'est ce que tu souhaitais faire? Mon père, oui, mais après, pour... Il me disait oui, mais en même temps, c'est mieux si tu restes au Havre pour avoir un appart et tout, sinon c'est compliqué. Et ma mère, elle était un peu contre. L'école. Donc, ouais. Donc c'est aussi pour ça que tu t'es... Ouais, du coup, j'ai fait un truc plus généraliste et au Havre. Une ou plusieurs personnes qui t'ont marqué durant ta scolarité? Moi, j'avais un prof de primaire en CM1 et il nous faisait nous intéresser à tout et il nous a appris beaucoup de choses. Il était très ouvert. Donc, lui, il m'a pas mal marqué. Et mes profs d'art classique et de philo. Oui, ils étaient assez inspirants. Et c'était quoi ton rapport avec l'art plastique ? Je trouvais qu'il y avait une ambiance différente dans la classe. Déjà, c'était pas une salle de cours comme les autres. Elle était pas genre séparée. T'avais vraiment une ambiance de créativité. Plutôt que dans les autres classes, c'était plus. T'avais pas le même climat, je trouvais. C'était plus libre, puis les gens paraissaient plus épanouis, plus ouverts. Donc, ouais, j'aimais bien. Les gens de ta classe que tu voyais tout le temps, tu les sentais, toi, plus épanouis et Oui, plus bah c'était bah après, c'était vraiment très libre. T'en avais qui, des fois, qui faisaient du skate dans la classe ou qui dessinaient par terre. C'était pas du tout pareil. On pouvait travailler en musique. C'était en quelle classe, ça ? C'était au lycée. Et est-ce que tu aurais peut-être un enseignant qui aurait pu te marquer en négatif ? Oui, qui était très strict. Très sur la compétition, qui rabâchait son cours, qui était du copier-coller d'autres cours, enfin, qui s'adaptait pas forcément à la diversité des élèves et qui était très carré. Donc ça, non, j'aimais pas trop, c'était marche ou crève. Non, ça, je trouvais pas ça très, très pédagogique. Et c'était en quelle classe, ça? Ça, c'était au collège, prof de français. Donc là, on a parlé d'une personne marquante, mm-hmm. Mais est-ce que tu as eu aussi un moment marquant durant toute cette scolarité ? Je sais que je trouvais quand même le collège assez, assez violent. Genre quand on avait qui faisait tomber les casiers, qui se frappait. On avait une fille aussi qui était amoureuse d'un garçon, qui lui avait envoyé des photos un peu osées d'elle. Et il les avait imprimées, puis il les avait balancées partout dans le collège. Et ça a suivi la fille des années après. Enfin, je trouvais que c'était vraiment un endroit assez hostile, et assez violent quand même. Et donc à ce moment-là, tu te sentais beaucoup toute seule ? Je revoyais des copains des fois à la récréation, mais c'est vrai qu'en classe, j'avais un peu du mal, comme j'étais assez timide, à aller vers les autres, dans les deux premières années. Et tu as pu en parler de toute cette atmosphère hostile à tes amis ou à d'autres adultes dans l'établissement, ou oui, à tes oui. Parents. Oh, j'en ai parlé un peu, mais bon, ils disaient, c'est le collège, faut le temps que ça se passe. Et au lycée, les gens sont peut-être un peu plus matures et posés. Après, ça, je sais pas. Mais... Il faut que jeunesse se fasse. Voilà. Et du coup, on t'a pas apporté un autre réconfort que ça passera, tu verras plus tard. Non, pas trop. Est-ce que tu as été si mal pendant ta sixième et ta cinquième que tu as demandé à tes parents de changer de collège? Non. Non, parce que enfin, j'avais quand même des copines. Je pensais que ce serait encore pire si je connaissais personne, personne. Mais peut-être, oui, je sais pas. Peut-être que dans un collège plus calme. Enfin, encore, ça va, hein, c'était un collège assez calme. Mais après, peut-être que c'était un collège assez calme. Ça dépend de toi, comment est-ce que tu le ressens. Parce que un collège qui a une réputation d'être calme peut être violent dans ton regard. C'est pas grave, ça. C'est toi, à 11 ans, comment est-ce que tu l'as ressenti? Ouais. C'est vrai qu'après, j'ai travaillé, j'étais surveillante dans une ZEP. Et c'était quand même plus violent. On avait vu un garçon qui s'était ramené, enfin, qui allait se ramener avec des armes. Enfin, c'était autre chose, quoi. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être surveillante dans un collège? Bah, c'était un job étudiant. Mais justement, tu aurais pu avoir ce souvenir de la sixième et la cinquième et te dire je ne veux pas y retourner, je trouverai autre chose. Ouais. Bah, après, c'était assez drôle, du coup, d'être de l'autre côté, du côté des enseignants, voir comment ça se passe. C'était assez intéressant. Et ça t'a plu? Cette expérience-là. Ouais, c'était enrichissant. Après, je pense pas que je referai une deuxième année. Peut-être dans un endroit plus calme. Et toi, à ce moment-là, quelles ont été tes relations avec les élèves? Plutôt bonne. Enfin, j'avais un peu de mal à faire respecter mon autorité, surtout pendant les heures de colle et qui c'était beaucoup. Mais ou en fin de journée quand ils sont fatigués, mais après ça va, ils étaient gentils. Bah après c'est pas forcément de leur faute, enfin, c'est vrai que quand tu parles avec eux et que tu vois leurs conditions à la maison, c'est pas. Ouais, je sais pas qu'ils extériorisent cette violence. Hormis les enseignants, dont tu as déjà un petit peu parlé, quelles ont été les relations vraiment qui ont été très importantes pour toi durant toute ta scolarité? Bah plus les amis, les. Ouais, par les amis et les proches, je fréquentais pas trop d'autres. Les surveillants, j'interagissais pas trop avec eux. Donc le CPE non plus, je le voyais pas. Mais après, pour revenir à la relation prof-élève, je trouvais que à l'université, à l'IUT ou dans une école, c'était pas du tout pareil. Si t'avais à l'université, on est beaucoup et on a un numéro étudiant. Et enfin, tu peux parler avec les profs, mais je trouvais que c'était plus compliqué. Tandis qu'à l'IUT, à l'école, on était 25, 30 max dans une classe et enfin, le prof t'appelle par ton prénom, il te connaît, t'as une proximité. Et à l'école, je trouvais que c'était comme c'était un endroit où t'avais payé. Enfin, j'ai l'impression que t'achetais ta formation et ton diplôme et que c'était plus la relation prof-élève, mais plus client. Tu vois que t'avais acheté un service et que c'était plus une sorte de hiérarchie un peu inversée, tu vois. C'était plus l'élève qui doit faire ses preuves, puis respecter un peu le savoir du professeur. Là, c'était plus t'as acheté un service, une formation, donc tu t'attends. Enfin, du coup, c'était plus le prof qui était à ton service pour t'aider à avoir cette formation. Et tu as ressenti ça aussi de la part des autres élèves? Bah, je voyais par exemple que certains élèves à l'école, ils allaient se plaindre de profs, hein, qu'ils étaient, ouais, comme si t'avais une sorte de service après-vente, tu vois, qu'ils faisaient des réclamations. Je me disais à la fac, ça se passe pas trop comme ça. Ou même que les profs étaient plus laxistes, tu vois, que comme t'avais payé une certaine somme, ils te mettaient pas des notes en dessous de 8. Donc tu vois, j'ai un peu l'impression que t'es moins méritant quand t'as un diplôme en école. On est quand même plus laxiste et que les profs sont plus. Même pour trouver un stage, dans les écoles, ils organisent des forums où c'est les entreprises qui viennent et tu donnes ton CV, tu vois, c'est les entreprises qui viennent vers toi ou même ils payent une fortune pour qu'il y ait des intervenants qui viennent. Après, toi, tu peux voir les intervenants pour leur donner ton truc. En fait, ouais, tu payes un diplôme et un réseau. Ouais, du coup, c'est pas tout à fait pareil. Mais après, il y a des bonnes relations avec les enseignants. C'était même des fois un peu copain. Genre, ils font des soirées, il y a les profs qui sont là aussi. Oui. Ça, c'est... Là, tu parles toujours de l'école privée. Ouais. C'est ça. Ouais. Après, à l'IUT, il y avait aussi cette proximité avec les profs, mais c'était pas... Je trouvais que c'était moins business, quoi. Enfin, par exemple, le premier jour d'école, pour l'intégration, les profs faisaient leur show un peu. T'avais de la musique, c'était comme un spectacle, et chaque prof se présentait, et t'avais pas le même discours. En fac, je trouve que c'est un peu sévère. Enfin, ils disent qu'il faut travailler, machin. Là, vous serez pas tous à avoir votre diplôme. Tandis qu'à l'école, c'est félicitations, vous êtes les meilleurs, vous allez réussir, vous allez être riches. Enfin, c'est à l'américaine, c'était pas du tout... Donc je trouve qu'après, t'as pas... Enfin, ça joue quand même sur toi après. Enfin, je veux dire, c'est peut-être plus facile de réussir quand on dit dès le début, ouais, tu vas réussir, machin, que dès le début quand on dit, bon, bah, va falloir bosser, et c'est pas sûr qu'en bossant vous y arrivez. Enfin. Et du coup, tu as fait Erasmus? Bon, après, j'étais en Andalousie, c'était le rythme assez différent. Et tu pouvais choisir soit d'avoir cours le matin, soit d'avoir cours le soir. Et les profs étaient tout le temps en retard. Enfin, ça, après, c'était partout comme ça. Ils venaient en tong. Et puis, ils étaient super jeunes. Et ils donnaient leur numéro de téléphone portable. On pouvait les tutoyer. Et c'était, ouais, il y avait une grande proximité. Et les élèves parlaient beaucoup plus en cours. En France, je trouve que c'est très, très théorique. Le prof parle, on l'écoute. Des fois, on pose des questions, mais faut pas trop. Tandis que là-bas, c'est vraiment un échange. Ils discutent entre eux, en fait. Donc, c'est beaucoup plus ludique. Et en France, on doit beaucoup prendre des notes et tout. Et en fait, là-bas, les profs, t'as un endroit spécial. Et t'as déjà tous les cours écrits, imprimés. Donc, en fait, en cours, t'es juste là pour écouter et participer. Tu fais pas que prendre des notes. Donc, ça, c'était vraiment bien. Il y avait une meilleure ambiance. Et puis, je trouvais qu'on apprenait mieux. Et qu'on n'était pas là à écrire avec la pression d'avoir oublié certains mots et tout. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai l'impression de moins travailler, qu'ils demandaient moins de trucs et de mieux apprendre. C'était bien. Belle recette magique, quoi. Ouais. Très sympa. C'était, ouais, que vraiment en France c'était beaucoup de bachotage et que en fait t'apprends des trucs par cœur sans forcément y réfléchir. Tandis que là-bas on t'apprenait à vraiment comprendre les trucs et puis ouais, savoir le faire. T'avais pas vraiment de par cœur. Là on parle des méthodes d'apprentissage que tu as connues au cours de tes études supérieures. Est-ce que tu peux nous en parler sur tes études antérieures? Par exemple, en espagnol, à l'IUT, on avait un prof qui était vraiment bien, je trouve, parce qu'au lieu de nous apprendre, de nous faire lire des textes ou traduire des textes, en fait, il nous montrait une scène d'un film et il fallait qu'on la joue. Du coup, ça nous faisait travailler la prononciation, on apprenait du vocabulaire et l'année d'après, il fallait qu'on invente une publicité, un produit, puis qu'on fasse sa pub, en fait. Donc pareil, ça nous forçait à parler, à chercher des mots et tout. Et je trouvais que j'avais beaucoup plus appris comme ça qu'en faisant des lectures de texte, en apprenant par cœur du vocabulaire. Et en Espagne, j'ai trouvé que c'était un peu la même méthode aussi. Être acteur, faire des choses qui te font apprendre par toi-même plutôt que de bachoter des choses et les recracher bêtement. Et tu as eu l'impression que c'était comme ça avant? En primaire, non. Mais au lycée, au collège, ouais. Sauf en musique, art plastique. Et comment tu as vécu justement ce passage entre un apprentissage ludique où t'es acteur en primaire vers un apprentissage apparemment beaucoup plus descendant? Bah du coup, ouais, j'ai mon niveau qui a pas mal baissé en sixième. Bon, après, je me suis habituée, mais c'est vrai que j'ai une perte d'intérêt. Puis ça me faisait bizarre aussi parce qu'en primaire, on te tutoyait, puis là, on te vouvoyait. Et ouais, qu'il y avait une plus grande distance entre les profs. Et ça t'a aussi éloigné du savoir, tu penses, ou Bah ça m'a peut-être un peu fermé le savoir, ouais. Parce que du coup, j'apprenais par cœur pour avoir une note, mais j'oubliais après. Du coup, oui, là t'étais plus dans de la connaissance pratique. Ou même des fois, j'apprenais par cœur. J'avais ma note, puis après j'oubliais, après je me disais, oh, mais si en fait c'est important, il faut que je le sache, donc je le réapprenais de mon côté. Et là après je le savais, mais bon, du coup, c'était pas. C'est dommage de pas l'avoir appris directement. Voilà, c'est ça. En premier. Voilà. C'était, disons que c'était plus axé sur avoir une note pour passer l'année que pour apprendre des choses. Et tu as vraiment senti ça au moment où t'étais au collège et au lycée? Ou c'est maintenant, a posteriori, que tu te rends compte que tu travaillais de cette manière-là? Oui, je pense que je m'en suis rendu compte à la fin. Avant, c'était juste, il y a un examen, faut réviser. Puis... Mais oui, j'oubliais juste 2-3 mois après, j'avais oublié. Tu penses que tu t'en es rendu compte quand? Enfin, avant, je m'en foutais un peu. C'était pas... Enfin, pour moi, toutes les matières ne me servaient pas forcément. Je voulais juste avoir aussi mon année. Donc, je réfléchissais pas à est-ce que ça va me servir. J'étais un bon petit soldat. À l'école, par contre, tu savais pas de vraiment de théorique et tout ce qui t'apprenait, en fait, c'était... Tu sais que ça allait te servir. Enfin, t'avais pas de choses, je veux pas dire inutiles, mais pour la culture, ou... tu savais que chaque chose t'apprenait, tu savais pourquoi fallait l'apprendre et à quoi ça servait. Tandis que des fois, à la fac, t'avais beaucoup, beaucoup de connaissances qui est intéressant, mais c'est assez abstrait, tu sais pas à quoi ça va te servir, à quoi ça va te mener. Mais après, c'est super pour la culture et tout, mais c'est vrai que des fois, tu dis, j'apprends plein de choses, mais je sais pas comment... Enfin, tu vois, t'as l'impression d'apprendre des choses, mais qu'une fois que tu serais dans le professionnel, il faudrait tout réapprendre. T'aurais plus attendu de tes études supérieures quelque chose de pratique? Pas forcément pratique, mais savoir pourquoi t'apprends des choses et que... Ouais, peut-être que ce soit moins abstrait, tu vois, par exemple, si tu fais des études de médecine, tu sais pourquoi t'apprends des choses. Mais si tu fais une licence un peu au hasard, puis après tu sais pas trop ce que tu vas faire, t'as peut-être un peu du mal à te projeter, à savoir pourquoi t'apprends ces choses-là. Donc toi, tu as vraiment envisager tes études supérieures comme les rails qui te menaient vers le monde professionnel. Peut-être vers ouais, la connaissance et éventuellement un travail, mais savoir lequel. Ouais, au bout d'un moment, je me disais, mais après, faudrait que j'apprenne un métier et comment je vais faire. Quel métier? Et là, c'était plus ça, en fait. Après, je pense que quand tu sais dès le début ce que tu veux faire et que tu fais les études pour, c'est différent. Mais c'est vrai que quand tu fais des études et que tu sais pas trop où tu vas, c'est plus peut-être plus compliqué. À la sortie de la fac, t'as peut-être moins de facilité à trouver un emploi que quand t'es... Ben en fait, t'as moins de facilité parce que tu sais pas te vendre. Ouais, mais à l'école, en fait, t'as tout un réseau. Ouais, moi j'étais choquée parce que j'avais un copain qui était mon coloc, il était à Dauphine. Il était Erasmus, c'était un Espagnol qui faisait Erasmus à Dauphine. Et ouais, ils ont des forums, ils ont des ateliers pour faire leur CV. Enfin, il y a ça aussi à la fac. Et c'est les entreprises qui viennent chercher les élèves. C'est pas l'élève qui doit venir se vendre. Et même, j'ai vu, t'as des annonces qui sont réservées à certaines écoles. Donc, si tu veux pouvoir faire un tel stage ou atterrir tel diplôme, ils disent dans les qualités, enfin pas qualités, mais dans les petits trucs. Compétences. Ouais, et ils disent uniquement grandes écoles. Ou même des fois, j'ai vu, c'était uniquement Sciences Po. Et bah, tu dis, bon. Et alors qu'en fait, quand j'étais à la fac, on avait des profs de l'EMN en marketing qui venaient, du coup, ils nous faisaient le même cours. C'est juste que, ouais, il n'y avait pas tout le truc à côté de réseautage. Donc, ouais, puis après, à la fac, on ne faisait pas forcément le stage dans un grand groupe. T'avais pas la même rémunération non plus. Après, j'avais une copine à son stage, il lui avait donné un Mac. Et elle était bien payée. Donc, tu te dis, ouais, c'est pas le même stage où t'es payé même pas le SMIC. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Bah, enfin, j'ai trouvé ça assez injuste dans les écoles, ouais, le fait qu'en fait, tu t'achètes ton diplôme et que enfin, si t'avais de l'argent, tu pouvais réussir carrément plus facilement que si tu faisais un parcours où il fallait que tu te battes et tout. Bah, disons que ouais, si t'es étudiant, que t'as pas forcément beaucoup de moyens financiers, que tu dois travailler à côté pour payer tes études, enfin payer ton appartement, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie et de temps pour apprendre. Donc ce sera plus dur d'avoir de bons résultats. Et à côté, si t'as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir payer une école très chère. Tu seras pas forcément obligé de travailler à côté. Et là, ce sera plus facile, je pense, d'avoir un diplôme et puis après un travail avec tout le réseau qu'il y a derrière. Et après aussi, les discours qu'il y avait, enfin, du coup, des gens qui ont baigné là-dedans et qui se rendent pas compte que, enfin, pour eux, en fait, comme ça a été facile, ils se rendent pas compte que ça peut être hyper compliqué quand tu dois bosser à côté, du coup, de réussir. Il y avait un gars aussi qui disait, oui, moi j'ai un bac plus 5, donc obligatoirement je vais gagner beaucoup d'argent. Et je lui dis, bah en fait, ça dépend quel bac tu. Enfin, quel, quel diplôme t'as, parce que t'en as beaucoup à bac plus 5 qui galère. Mais pour lui, si t'avais bac plus 5, tu gagnais obligatoirement 3000 euros et puis t'avais un job, tu vois. Donc, bon. Et c'est vrai que quand tu grandis dans un milieu comme ça, où t'es entouré que de personnes qui réussissent facilement, tu penses que c'est facile, tu te rends pas compte. On se rend pas compte des difficultés encore plus qu'il y a. Même je voyais quand j'étais avec les élèves de collège en ZEP, quand je voyais, il y en a un, son père il faisait des combats de chiens, enfin je me dis, c'est l'environnement dans lequel il est, c'est horrible. Donc quand t'as plein de préoccupations comme ça, c'est sûr que l'école, ça passe bien après, quoi. Attends, il faudrait qu'on aborde la question de l'autorité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, en fait, comme ma mère est prof, du coup, je respecte l'autorité des profs. Pour moi, c'est un peu comme ma mère. Donc, et comme ma mère était assez autoritaire, je m'écrasais pas mal. Et même plus tard, j'avais tendance à pas mal les respecter. Parce que pour moi, ils avaient un savoir que j'avais pas, qu'ils me transmettaient. Donc, c'était quelque chose d'important. Par exemple, professionnellement, c'est un peu différent. J'ai pas le même rapport à l'autorité. Si c'est tu vois, quelque chose qui va. Enfin, quelqu'un qui a pas. Que je vais pas trouver forcément légitime, je vais avoir un peu plus de mal à respecter son autorité. Ou si j'ai l'impression que ce qu'il fait n'est pas juste. Après, sinon, au niveau de l'autorité ou de la hiérarchie, au niveau des écoles, je trouvais que c'était pas pareil. C'était plus un rapport. De services que tu avais acheté, oui, que c'était un peu inversé, que à la fac tu devais faire tes preuves et que. À partir de quel moment tu penses être passé du rapport aux enseignants où tu t'écrasais parce que tu avais le modèle maternel à un modèle de légitimation de l'enseignant? Plus dans l'enseignement supérieur où j'ai des points de comparaison et je me disais lui sa méthode elle est pas super. Ou ce qu'il dit, j'avais vu un autre prof et je me suis dit non, en fait, c'est pas. Ou même quand moi j'avais lu des livres et que je me dis, ah, c'est pas forcément. Quand oui, j'avais d'autres points de comparaison et que je me sentais avoir acquis un certain niveau de connaissance, pas forcément le même, mais du coup, d'être aussi légitime moi-même là-dedans. Et du coup, tu te permettais de. Donner ton avis face à ces enseignants? Non, parce que je me dis, bon, devant tout le monde, c'est pas très sympa. Non, enfin, des fois, à la fin du cours, je posais une question, mais. Non, en général, je faisais dans mon coin, vérifier, je me dis, non, quand même pas. Donc là, tu nous as parlé des rapports d'autorité, tu as directement compris autorité avec les enseignants. Mm-hmm. Mais il y a d'autres adultes qui incarnent l'autorité au sein de l'école. Ouais, t'as le CPE, les. Moi, je les voyais pas. Enfin, comme j'étais vraiment très calme, j'étais jamais collée, je les voyais pas vraiment. Puis j'étais assez timide, donc il y en a beaucoup qui étaient amis avec eux, mais moi, je n'osais pas trop les voir. Donc, non, j'ai pas vraiment mis de lien avec eux. Donc, ni les CPE, ni les surveillants. Et le directeur ou la directrice? Je les voyais jamais. Mais est-ce que t'en avais peur? Ou En primaire, oui, j'avais un peu peur d'eux. Surtout que des fois, elle passait dans la classe, elle était assez impressionnante. Après, au lycée, collège, bon, je m'en foutais un peu. Et du coup, donc là, tu as parlé des rapports d'autorité envers toi. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux nous parler des rapports d'autorité envers les élèves qui, du coup, à ton opposé, étaient perturbateurs? Là, par exemple, quand j'ai travaillé en tant que surveillante, je trouve que c'est pas. Les solutions proposées sont pas adéquates. Enfin, je veux dire, quand un élève est un peu turbulent en cours ou que. Il a pas forcément envie de travailler, il empêche les autres d'écouter, du coup, il va avoir un avertissement. Après, il va être envoyé, donc il vient, on le récupère. Puis après, il est collé, mais il y en a qui sont collés. Enfin, ils ont même plus de place dans leur carnet pour être collés. Ou les profs, après, derrière les parents, ça ne suit pas toujours. Et c'est pas une solution. Mais je pense qu'ils ont plus besoin d'écoute et puis de soutien que d'être tout le temps sanctionnés. Puisque même en plus, des fois, ils font exprès d'être collés pour être avec leurs copains et pas rentrer chez eux. C'est plus une garderie, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est pas... Mais après, il y a beaucoup de problèmes à régler à la maison pour qu'ils aient un environnement plus sain, plus... C'est un peu compliqué aussi. Et toi, dans tes souvenirs, comment est-ce que les enseignants géraient les élèves perturbateurs Du coup, en tant qu'élève? Oui. Bah, ils se faisaient renvoyer de cours ou ils étaient rabaissés. Et toi, comment est-ce que tu vivais ça? Bah, ça dépend ce qu'ils faisaient aussi. Enfin, je veux dire, s'ils étaient violents envers un élève, bon, là, je me disais, oui, il vaut mieux quand même. Mais bon, si c'est après, c'était... Ils faisaient rien de mal spécialement, je trouvais ça pas très juste ou même enfin inutile. Mais oui. Je sais que par exemple, quand j'étais surveillante, que certains élèves, après leur avoir parlé ou même les aider à se relaxer, à respirer profondément, ou, ça changeait. Ou même un élève qui était tout le temps puni, mais qui aimait bien apprendre. Enfin, il était super gentil, mais c'est juste qu'il était hyper actif et il voulait s'amuser. Et en fait, en le responsabilisant et puis en lui donnant je sais plus, j'avais instauré un système de bons points quand il faisait un truc bien. Par exemple, là, il avait aidé un camarade, je lui avais donné, bon, j'avais écrit un mot, enfin, un truc, je sais pas, j'avais donné ça, il était super content, il avait donné ça à sa mère parce que, bah, du coup, ils sont un peu en échec après. En impuissance apprise, et ils disent de toute façon ça sert à rien, je vais encore décevoir mes parents et tout. Puis là, quand il a ramené son bon point, il était refait et sa mère était trop contente. Elle a même appelé, elle s'est dit c'est bizarre. Et c'était trop bien. À peu près, on a vu, il a changé et il essayait, au lieu d'être tout le temps refaire ce cycle de toute façon je m'en fous, il disait je vais faire ça, ça va être un bon point et tout. Souvent ils associent le carnet de liaison à la punition et là ils peuvent voir que ouais, ça peut être aussi une correspondance avec les parents positives. Ouais. Et là il est tout refait, il avait affiché sur son frigo et tout. Donc c'est bien, ouais, arrêter d'essayer de les aider à sortir de ce cercle et c'est chouette. Parce que ouais, t'as beaucoup d'élèves qui se disent de toute façon ça sert à rien et qui sont persuadés qu'ils vont rater, alors pas du tout. Il y a une autre partie encore sur les systèmes d'autorité dont tu as un peu fait mention plus tôt dans l'entretien. C'est les rapports d'autorité entre élèves. Mmh. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu avais commencé? Moi, je sais que en primaire, j'avais pas tellement l'impression. Mais au collège, t'avais vraiment les fortes têtes. Et... Enfin... Ouais, quoi, elles avaient un comportement, après les autres suivaient. Et des fois, je trouvais que c'était vraiment des comportements bêtes. Enfin, par exemple, c'était la mode d'avoir un rire bête. Enfin, je sais pas comment dire, tu sais, un rire un peu qui ressemble à une otarie. Et il suffisait que t'aies les deux, trois meneuses qui faisaient ça, et tout le monde faisait pareil, et... Moi, j'avais un peu du mal avec ça. Mais... Ouais. Je sais pas trop... Comment est-ce que tu te situais, justement, par rapport à ces rapports d'autorité entre les élèves? Bah, moi, du coup, je rigolais pas. Donc, après, j'étais mal vue. Mais... J'avais un peu du mal pour ça à rire de ça. Bon, après, des fois, je le faisais parce que... Pour qu'il y ait une bonne ambiance et tout. Je trouvais que ces comportements... Je sais pas... Un peu bête. Ou le fait que... C'est là aussi où t'avais l'apparition des marques. Fallait porter des marques, sinon t'étais pas cool. Moi, j'étais pas cool. Mais... Bon, ça aussi, du coup, je pense que j'étais un peu catégorisée comme une cassos parce que j'étais pas très bien habillée. J'étais pas très belle non plus, j'étais pas très développée, enfin je faisais encore très très enfant physiquement, j'avais pas de sang. Donc ouais, je pense que t'avais aussi pas mal quand les filles faisaient femmes, plus femmes, elles étaient plus pas forcément respectées, mais je veux dire enfin elles avaient un certain poids Disons que... Ouais, je sais pas. Ça, c'était considéré plus comme cool. Donc, genre, si elle mettait des strings, ce genre de choses, qu'on voyait leur soutien-gorge. C'était... Ouais, c'était des choses comme ça. Mais je veux dire, si... Bah, tu sais, tu changes beaucoup. Bah, en fait, en quatrième, j'ai commencé à me développer. Et du coup, on m'a parlé pareil. Enfin, de la même manière. T'as vraiment ressenti ça? Quand même, ouais. Avec... avant, j'étais juste une cassos, voilà. Et puis après, quand j'ai commencé à me développer, j'étais... Je sais pas, je... Ah ouais, c'est... le sexisme. Ah, c'est... Et du coup, tu mettais en avant cette, les formes qui se développaient? Pas trop. Après, plus au lycée, parce que j'avais envie de plaire, mais non, j'étais assez complexée, puis un peu immature, je sais pas si j'étais immature, mais je veux dire, tout ce qui était en tant que femme, je me voyais vraiment plus comme une enfant qu'une femme. Je voulais pas... Ouais, non, je voulais pas... Je voulais pas me sexualiser, en fait. Est-ce que ça a changé ta manière de t'habiller, par exemple? Plus tard, oui, mais au début, non. Je... Ben, y avait toutes les... Par exemple, ce qu'il fallait au niveau du maquillage ou de l'épilation, ça j'avais un... Enfin, ça me faisait chier, en fait. Je trouvais ça contraignant. Et du coup, je me suis mis tard, après, quand je me suis intéressée aux garçons. Mais... Sinon, enfin, ouais, mettre en valeur mes formes, c'est venu plus tard. Tu parles de ce changement de regard. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es aperçue en tant qu'adulte ou tu en as eu conscience directement lorsque ça s'est produit? Ben, en fait, quand ça s'est produit, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai moins de boutons qu'avant. En fait, j'ai pas forcément assimilé ça au fait que je ressemblais plus à une femme, mais plus parce que ouais, j'avais l'impression que j'étais plus jolie. Pas forcément, ouais. Mais pas forcément plus sexualisée. Voilà, c'est ça. Et je trouvais ça étonnant que des gars qui étaient méchants avec moi avant, là, ils m'envoyaient des... Pas des lettres d'amour, mais genre ils me draguaient et tout, alors qu'avant... Il me lançait du chewing-gum dans les cheveux, tu vois. Et puis, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Bah, j'étais assez étonnée. Et... Bah, je me dis, bon, tant mieux, hein. Au mieux que... Bah, après, non, j'ai continué ma vie. Je me dis, C'est plus simple, en fait, d'être dans cette position que dans la position de la cassos. Oui, du coup, c'est plus simple, mais c'est pas... Ça n'a pas changé ton rapport à tes autres amis ou... Ah non, non. Ouais, j'en ai plein, on se connaît plus la maternelle. Hein. Oui. Pour toi, rien n'a vraiment changé, en fait. Ouais, voilà. Donc, tu as été en école publique. Mais de centre-ville. Donc je pense qu'il devait quand même y avoir un peu de mixité sociale. Est-ce que tu as senti une autorité entre les différentes classes sociales se créer? Moi je sais qu'il y avait certains profs qui étaient plus sévères avec des élèves de classe sociale moins privilégiée ou pas privilégiée, et directement ils les catégorisaient comme élèves difficiles, donc ils avaient moins de tolérance. Et je sais qu'une fois, j'avais dû me prendre une heure de colle parce que j'avais fait une bataille d'eau à la cantine. Et bah moi, j'étais blonde, les yeux bleus, j'avais une tête de fille gentille. J'ai pas été collée. Donc ça, c'est pas juste. Alors que mes camarades qui étaient... bah qui avaient un physique plus stéréotypé, cliché, tu vois, étaient... Et qui se collaient une étiquette qui leur correspondait pas forcément, bah eux, ils avaient moins de tolérance. C'était associé aussi à la couleur de peau? Parfois, ouais. Ou même, il y avait un truc que je trouvais bizarre, les profs nous demandaient à chaque fois en début d'année qu'est-ce qu'ils font des parents. Et je me disais, bah, on s'en fout. Mais... Et je pense que c'est un peu malsain de faire ça parce que du coup, ils se font une image de toi et ils vont dire, bah, du coup, tes parents font ça, donc tu viens de tel milieu. Donc, même il y avait une étude en psycho, ils avaient pris la même élève, enfin, du coup, c'est une élève fictive, ils avaient mis une photo. Enfin, non, ils n'avaient pas mis de photo, mais genre, ils l'avaient appelée, je sais pas, on va dire. Éléonore. Voilà, Éléonore Martin. Et ils avaient mis père médecin, mère au foyer. Et après, ils avaient mis, je sais pas, Malika, père ouvrier, mère femme de ménage, tu vois, un truc comme ça. Et les notes n'étaient pas les mêmes alors que c'était le même devoir. Tu vois, et même après, au niveau des encouragements pour l'orientation, les profs disaient, bah oui, mais le père médecin, il va être absent, il doit avoir des problèmes à la maison parce que son papa est pas là, c'est passager, ça va. Et ils étaient encourageants. Tandis qu'avec l'autre profil, alors que c'était la même chose, ils disaient, ouais, peut-être qu'elle devrait se réorienter, machin. Tu vois? Alors que c'est. Ouais, c'est complètement juste. Mais... Et ça, toi, tu as l'impression de l'avoir vécu. Ouais, je trouve quand même que ça influence. Même dans le milieu du travail, après, sur les CV, je trouve qu'il y a beaucoup de racisme et beaucoup de. Après, ouais, je sais pas. Enfin, dire au niveau. Au niveau du milieu social duquel tu es issu, enfin, si, ou même au niveau des écoles, bah, comme je te disais, t'as, pour certains emplois, ils disaient faut que tu aies fait une grande école. Si tu as fait une fac, que tu as les mêmes compétences, même plus d'expérience, non, faut que tu aies fait l'école. Ou même quand j'ai passé l'entretien pour intégrer l'école, le concours, j'ai plus eu l'impression d'être jugée sur ce que je renvoyais socialement que sur. Les résultats test. Non, c'est vrai. Genre, enfin, l'entretien, ils m'ont demandé. Je crois qu'ils m'ont demandé aussi ce que faisaient mes parents. Quelles études j'avais fait et tout, comment j'étais habillée. Et je sais même pas s'ils corrigeaient. Enfin, si, je pense quand même qu'ils corrigeaient, mais juste pour voir ton niveau de français, tu vois. J'ai plus l'impression que j'étais. Qui vérifiait le porte-monnaie et si tu corresponds à l'image de l'école. Tu as vu aussi une différence, enfin, est-ce que tu as vu des rapports d'autorité entre les élèves de différents milieux sociaux sur d'autres? C'est un mode de communication un peu violent pour te faire respecter. Tu vas avoir tendance à agir comme ça. Oui, ça faisait une forme de leader. Disons que oui, les élèves les plus violents, souvent, c'était. Les élèves issus d'un milieu pas favorisé. Donc, ils étaient les leaders des élèves, mais à côté de ça, c'était ceux qui étaient le plus saqués par les profs. Ceux qui étaient en position de force avec les élèves, mais en position de faiblesse avec les profs. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation à la musique et à l'art plastique? Parce que tu as esquissé le fait que c'était les seules matières dans lesquelles tu te sentais bien au collège et au lycée. Bah, je trouvais. Enfin. Pas forcément musique au collège, mais plus au lycée, que c'était plus que c'était moins du bachotage, que c'était plus libre, plus créatif, je sais pas. Et est-ce que tu arrivais à faire comprendre ça à tes camarades ou à tes parents? Bah, je trouvais que c'était plus prenez plus à penser par toi-même et à produire quelque chose de personnel plutôt que de répéter quelque chose de déjà fait. Pour terminer, est-ce que tu peux dire que tu as été heureuse d'aller à l'école? Oui, parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont compté dans ma vie. Après, il y a des années comme celle du collège, je sais pas si elles m'ont vraiment apporté quelque chose, mais toutes les autres, ça a été formateur. Après, peut-être que je l'ai bien vécu aussi parce que j'ai de la chance d'être dans un milieu social aisé où c'était plus facile d'apprendre à l'école parce que j'avais que ça à faire. Enfin, je veux dire, j'avais pas problèmes spécialement à la maison qui pouvaient m'empêcher de me concentrer ou de penser d'avoir des problèmes importants. Et puis, bah, comme je disais, j'avais une tête un peu de première de la classe, donc on était plus bienveillants avec moi. Et peut-être que si j'étais venue d'un autre milieu avec plus de difficultés et que j'avais un physique à étiquette mal vu, enfin je sais pas, peut-être que ouais, si j'avais été différente, mon expérience aurait pas été la même, parce qu'elle aurait été beaucoup plus dure, et que au lieu que ce soit que l'école soit un tremplin, ça aurait pu être au contraire quelque chose qui me rabaisse. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode des expériences d'école. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre application habituelle, mettez-nous 5 étoiles et parlez de nous autour de vous. Si jamais vous souhaitez témoigner ou simplement nous donner vos réactions, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram en cherchant des expériences d'école. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse expérience au pluriel d'école tout attaché @protonmail.com. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. Ce podcast a été réalisé et imaginé par Charles Gibault et Baptiste Clugéry. On utilise la très belle chanson d'Alain Souchon, Somerset Maugham, en ouverture et en clôture de ce podcast. À dans 2 semaines pour une nouvelle expérience d'école.